بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، que toutes les louanges soient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient, et que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion. Et toutes choses inventées dans la religion sont des innovations. Et toutes innovations sont des déviances. Et toutes déviances mènent au feu de l'enfer. On va, Inch'Allah, terminer aujourd'hui le sujet sur Hukm Tarak al-Salat, sur le jugement de celui qui délaisse la prière. On avait donc commencé, je me souviens bien, la semaine dernière. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va terminer. Donc, on avait cité des preuves du Coran, de la sunna, du consensus des compagnons et la parole des quatre imams qui montrent que celui qui délaisse la prière est un kafir qui est en dehors de l'islam. C'est un mécréant, yani c'est pas la mécréance qui n'exclut pas de l'islam, mais c'est la mécréance qui exclut de l'islam. On avait vu que celui qui ne prie pas 5 fois par jour ses prières quotidiennes n'est pas un musulman, même s'il jeûne le jeûne du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, Inch'Allah, et c'était le verset de Surat Al-Qalam que je recherchais en fait hier, c'est le verset 42-43. C'est pour ça que lorsqu'on lit le Coran, une personne ne peut pas être indifférent face à ces versets qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit « يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَتِعُونَ » Le jour où ils affronteront les horreurs, le jour du jugement, et ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Leurs regards seront abaissés, et l'avilissement les couvrira, yani ils seront humiliés le jour de la résurrection. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Dans la dunya, ils étaient invités à se prosterner à celui qui les a créés. Yani, cette vie-là, c'est pas juste pour qu'on joue et puis qu'on oublie la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le sens et le but de cette vie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ses serviteurs, ceux qui se sont soumis à Allah, à se prosterner, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur prière, donc à prier 5 fois par jour. Donc, qu'en est-il dans le tafsir, c'est-à-dire dans l'exégèse? L'imam al-Kathir, rahimahullah, dans l'exégèse de Surat al-Qalam, verset 42-43, il dit, en ce qui concerne, « خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَلْحَقُهُمْ ذِلَّةً » Leurs regards seront abaissés, l'avilissement les couvrira, yani ce sera Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Fi ad-dar al-akhirah, ce qu'il dit. Bi ijramihim wa takabburihim fi ad-dunya فعوقبوا بنقد ما كانوا عليه. C'est-à-dire que ils seront châtiés, ils auront cette humiliation-là le jour du jugement pour avoir délaissé un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est un ordre important, qui est la prière. Allah leur a ordonné de se prosterner, il leur a invité à prier et les gens, par arrogance, ils refusent de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit, l'imam al-Kathir rahimahullah, « وَلَمَّا دُعُوا إِلَى السُّجُودِ فِي الدُّنْيَا فَامْتَنَعُوا مِنْهُ مَعَ صَحَّتِهِمْ وَسَلَامَتِهِمْ كَذَلِكَ عُقِبُوا بِعَدَمْ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ » Parce qu'en fait, dans cette vie d'ici-bas, ils ont, pourquoi en fait ils n'arriveront pas à se prosterner? Ils n'arriveront pas à se prosterner le jour de la résurrection. Parce que dans la vie d'ici-bas, ils ont été ordonnés de se prosterner. Et ils ont refusé malgré qu'ils étaient en pleine santé. Ils n'avaient aucun problème. Ils avaient une santé parfaite. Parfaite, entre guillemets, c'est comme on peut dire, tu vois. Mais yani, ils étaient en très bonne santé. Ils n'avaient pas de problème. Et malgré ça, ils refusaient de se prosterner. Et lorsque c'est mentionné, ils ont été invités, ça veut dire que la preuve leur est parvenue. Ok ? Aqamat alayhum al-hujja. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui leur a fait un rappel, par exemple. Il leur a fait un rappel, je ne sais pas moi, sur la prière. Il leur a montré toutes les preuves sur la prière, que c'est une obligation. Le châtiment de celui qui la délaissera, c'est quoi? Sur quoi il mourira? Et malgré ça, il s'est détourné, il a refusé de se prosterner. Donc comme il était sain, en bonne santé, il a refusé de le faire dans cette vie d'ici-bas, eh bien il ne pourra pas le faire dans l'au-delà. Pourquoi il ne pourra pas le faire? C'est ce qu'il explique par la suite, l'imam al-Kathir, rahimahullah. « Iza tajalla al-Rabb » عز وجل lorsque Allah subhanahu wa ta'ala se montrera, fayajjud lahu al-mu'minun, les croyants, tous les croyants se prosterneront pour Allah lorsqu'ils verront Allah le jour de la résurrection. La yastati' ahad min al-kafirin wa la al-munafiqin ay yajjud bal ya'ud dhahr ahaduhum tabqan wahidan. Ça veut dire en fait que lorsque les gens ils vont voir, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala se montrera, tous les croyants se prosterneront. Et les mécréants et les hypocrites, ceux qui sont morts avec l'hypocrisie majeure, c'est-à-dire qu'ils cachaient l'islam, qu'ils cachaient la mécréance mais montraient l'islam, c'est ça l'hypocrisie majeure. Donc les hypocrites et les mécréants, ils voudront aussi se prosterner, comme les croyants le font. Mais en fait, lorsqu'ils voudront se prosterner, eh bien, ce sera dans le sens opposé, ils n'y arriveront pas. « Kullama arada ahaduhum an yusjud kharra liqafah » À chaque fois qu'il y en a un d'eux, parmi les mécréants et les hypocrites, qui voudra se prosterner, eh bien, ce sera dans le sens inverse. Il n'arrivera pas à se prosterner comme les croyants le font. Aqas al-sujud, donc ce sera l'opposé du sujud. Donc le sujud c'est comme ça, eux ils feront dans le sens inverse. Kama kanu fi dunya bi khilaf ma alayhi al-mu'minun. Comme ils étaient dans la vie d'ici-bas, eh bien ils opposaient les croyants se prosternaient pour Allah subhanahu wa ta'ala, et eux ils refusaient. Et bien dans l'akhira, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala se montrera, les croyants se prosterneront et les hypocrites et les mécréants ne pourront pas se prosterner comme les croyants le font, mais ce sera l'opposé. Comme ils ont opposé les croyants dans la vie d'ici-bas, et bien ils opposeront les croyants dans l'au-delà. Donc, tout cela, ce sont des preuves. Et comme on avait vu aussi, fi surat al-Muddassir, où Allah subhanahu wa ta'ala dit... إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Sur les criminels, les gens de droiture, ils s'interrogeront sur les criminels. Les gens du paradis verront les gens de l'enfer dans les plus bas niveaux de l'enfer. Saqar, on avait vu hier que c'était un lieu en enfer qui est très très bas. Et les musulmans qui seront châtiés en enfer parce qu'Allah le décidera par sa justice, ils n'iront pas dans les bas niveaux de l'enfer, ils seront dans les niveaux élevés. Donc Saqar, eh bien, ça fait partie des bas niveaux de l'enfer. Qu'est-ce qui vous a mené à Saqar, à ce lieu-là? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui priaient. Nous n'étions pas de ceux qui priaient. Et dans Sourate Al-Qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Voilà. Donc, il n'a pas cru et n'a pas prié. Mais a démenti et s'est retourné. Ça, c'est sur Surat Al-Qiyam. Un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que, eh bien, il n'a pas cru. Pourquoi ils iront en enfer? C'est là. Parce qu'ils n'ont pas cru et ils n'ont pas prié et ils ont démenti. Lorsqu'un rappel leur est venu, ils l'ont démenti. Et ils se sont détournés par arrogance. Et aussi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme on avait dit, fi Surat Al-Mursalat, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Et lorsqu'il leur est commandé de se prosterner, ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Ça, c'était, on avait dit dans le Coran. Dans la parole des quatre imams, on avait dit que aucun d'eux n'avait dit que c'était pas un kafir. L'imam Malik, l'imam Abu Hanif, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ont dit qu'il lui donne une période, en fait, de 3 jours. C'est comme l'a expliqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc cette personne-là est emprisonnée pendant 3 jours et chaque jour ils viennent le voir et ils lui disent, yani la prière, il faut que tu pries, yani ils lui montrent les preuves et ils lui font la nasiha. Si au bout de 3 jours ils refusent de prier, ils préfèrent la mort que de prier, eh bien ils ont dit que imut ka murtad, lorsqu'ils l'exécuteront, yani lorsqu'il sera tué, parce que c'est yani le jugement islamique, eh bien il mourira en tant qu'apostat. Apostat, ça veut dire qu'il a renié sa religion. Et le seul qui a dit qu'il ne se fait pas tuer, c'est l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, qui a dit qu'il est emprisonné seulement. Donc celui qui ne prie pas n'a pas le droit d'être libre dans la rue, pour ne pas influencer les autres aussi, jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il prie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte qui est entre nous, c'est la prière, celui qui l'a délaissé a mécru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui est entre eux, ce qui va différencier en fait la personne du polythéisme ou de la mécréance, c'est quoi? C'est le fait qu'elle prie. Mais si elle délaisse la prière, eh bien il n'y aura plus de différence entre un mécréant ou un polythéiste. Et nous avons vu aussi qu'il y avait un ijma'a des sahaba sur ça, des compagnons sur ça, lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'est fait poignarder lorsqu'il priait la salat al-fajr. Et son meurtrier s'est placé juste derrière lui. Et il a fait takbirat al-ihram et son meurtrier lui a enfoncé le couteau. Si bien qu'il a tué quelques compagnons et les compagnons ont réussi à le neutraliser. Et ensuite, lorsqu'il a ordonné à quelqu'un de présider la prière, ils sont revenus, il leur a dit, est-ce que vous avez prié? Ils ont dit oui. Il a dit, la hadza fil islam liman taraka as-salat. Pas de portion en islam pour celui qui a délaissé la prière. Ça veut dire qu'il n'a rien de l'islam pour celui qui délaisse la prière. Donc, ça c'est la parole des quatre imams, on avait vu. La parole... les versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ce qui est authentique et le consensus des compagnons. Il y a aussi d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est rapporté par Salama radiallahu anha, qui dit anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal satakunu umara fata'rifuna wa tunkiruna faman arafa bari'a wa man ankara salama سلم ولكن من رضي وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. Donc il y aura en fait des gens qui gouverneront la population. Lorsqu'ils vont vous gouverner, il y a des choses que vous allez agréer et des choses que vous allez détester. Et là il y a un autre hadith qui explique aussi ce hadith là, c'est que la personne elle le déteste si elle voit quelque chose qu'elle aime pas, mais elle ne sort pas. Elle ne se rebelle pas contre le gouverneur. Et les compagnons, ils ont dit, est-ce que si on voit ces mauvaises choses-là, est-ce qu'on les combat, ces gouverneurs? Le prophète Hassan, il a dit non, tant qu'il prie. Non, tant qu'il prie. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit que ça, c'est une preuve que tant qu'il prie, eh bien, il est interdit de combattre les musulmans. Et ce qu'il y avait, c'est que lorsqu'on avait vu hier le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. C'est comme ça. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Insulter un musulman est une perversité et le tuer est une mécréance. Il a dit kufr. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il a dit kufr. Parce qu'en arabe, il n'y a pas alif et lam. C'est différent entre el kufr et kufr. Kofr, ça indique, c'est un type de mécréance. C'est un type de kofr. C'est pas le kofr qui exclut l'islam. C'est un type de mécréance. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Esnatan fil nas, huma bihim kofr, at-ta'n fi nasb, wa niyaha, ala al-mayt. Donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux choses dans les gens qui leur fait, yani, qui leur donne un type de mécréance. Un type de mécréance, c'est pas la mécréance qui exclut l'islam ici. Il a dit c'est le fait de insulter en fait les proches, yani de, tu vois, dans sa famille, dans l'arbre généalogique, insulter, et les gens qui se frappent lorsque quelqu'un il est mort. Ça, ce sont des types de mécréances. Mais ce sont des mécréances, c'est pour ça qu'il a dit kufr. C'est pour ça que dans l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que ma bayna al-abd wal-kufr wal-shirk tarku salat. Ce qui est entre le serviteur qui va diviser le serviteur de al-kufr, c'est la mécréance. Vous voyez la différence entre kufr sans la préposition al et al-kufr. Al-kufr, c'est la mécréance en général. C'est celle qui exclut l'islam. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit insulter un musulman est une mécréance, kufr, insulter un musulman est une perversité, le tuer est une mécréance, sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith a dit ma bayna al-abd wa shirk wa al-kufr tark as-salat. Ce qui est entre le serviteur, yani qui va diviser le serviteur du polythéisme et de la mécréance, c'est délaisser la prière. C'est pour ça que les ulama ici, ils ont bien montré que ceci prouve que celui qui délaisse la prière, qui a délaissé les cinq prières quotidiennes, eh bien, il se retrouve exclu de l'islam. S'il veut devenir un musulman, il doit se repentir et il doit refaire la shahada. Ok ? C'est pas parce qu'une personne a fait le ramadan, elle croit qu'elle est musulmane parce qu'elle se tient à faire le ramadan. Et ça, ça a des conséquences sur ce qu'on va voir par la suite en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne l'héritage, en ce qui concerne la mort. Ok ? Donc parce que tout ça c'est très important. Une autre preuve, c'est sur Salat al-Asr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taraka Salat al-Asr muta'ammidan habita 'amaluhu. Celui qui délaisse délibérément, il n'a pas d'excuse, yani, dans la sharia. Délibérément il la délaisse. C'est l'heure, il voit que c'est l'heure et tout ça, mais il ne la prie pas. Jusqu'à ce que l'heure du maghrib rentre. Et l'heure du maghrib rentre lorsque il y a une couleur rouge dans le ciel. Ça veut dire que c'est l'heure du maghrib. Bien une personne qui délibérément ne prie pas le asr à son heure, toutes ses actions sont vaines. Alors, ici, les ulama, ils ont expliqué qu'ici, il y a deux points dans ce hadith. Toutes ses actions sont vaines. Si une personne a l'intention de prier Salat al-Asr, ok ? Elle a l'intention, c'est-à-dire que elle a l'intention de la prier, elle ne va pas la délaisser, elle a l'intention de la prier. Mais si l'heure est sortie, par exemple elle a regardé un match de foot, et puis elle a dit vas-y à la mi-temps je vais regarder, et puis la mi-temps elle est venue, et puis en fait le maghrib il est rentré, donc, mais elle va quand même la prier, eh bien toutes ses actions de cette journée-là sont nulles, sont annulées. C'est-à-dire que si jeûner, c'est pas accepté, ses prières ne sont pas acceptées. S'il a donné de l'argent en sadaqa, c'est pas accepté, rien n'est accepté de ses œuvres. Durant toutes ces journées-là, si délibérément il a raté Salat al-Asr, sans aucune excuse valable. Et l'autre point, ils ont dit les ulémas que si la personne a délaissé Salat al-Asr, mais elle n'a pas du tout l'intention de la prier. Ça veut dire que Salat al-Asr, elle passe, ou bien un quelqu'un est venu l'inviter à prier Salat al-Asr, mais cette personne-là s'est détournée, elle a refusé jusqu'à ce que l'heure du maghrib est rentrée, et il n'a pas du tout l'intention de la prier, eh bien, c'est que toutes ses actions deviennent nulles, ça annule tout, ça l'exclut de l'islam. C'est ce qu'ont expliqué les ulama. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de ça, ça c'est un point important. C'est pas parce qu'on voit, مثلاً, voilà, la majorité c'est la communauté, ils sont arabes et tout ça, donc ils vont se marier entre arabes et tout ça. Mais si la personne ne prie pas, l'homme il prie pas par exemple, ok, et la femme c'est quelqu'un qui prie, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Parce que les musulmanes sont interdites de se marier avec les mécréants et les polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre saint, a interdit le musulman de se marier avec les polythéistes. Parce qu'il a dit, cela appelle, yad'ouna ilan nar, ils appellent au feu de l'enfer. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas s'en tenir à comme on disait la dernière fois aussi, à une sorte de communautarisme. T'as, bon voilà, parce qu'on est de la même nationalité. Donc, non, ça c'est important. Si la personne est prie, elle fait ses 5 prières par jour et elle n'invoque pas quelqu'un d'autre en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'elle n'invoque qu'Allah seul et elle prie 5 fois par jour, elle est musulmane, elle doit se marier seulement avec un musulman. Tu vois? Donc, ça c'était les points qu'on avait vus. L'autre point qu'on avait vu aussi, c'est en ce qui concerne la condition de fraternité pour quelqu'un qui soit un frère en islam. On avait vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate At-Tawbah, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. La condition pour que les polythéistes, les mouchrikines, deviennent nos frères en religion, quelle est la condition? C'est qu'ils se repentent de leur shirk, de leur polythéisme, ils se repentent, qu'ils fassent la prière et qu'ils donnent la zakat. S'ils ne font pas cela, ils ne sont pas nos frères en religion. Ils ne sont pas nos frères en religion. Et donc ceci prouve bien que pour qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait la prière. Donc on avait dit que ceux qui ont la position que non, eh bien c'est un fait, c'est un pervers celui qui ne prie pas 5 fois par jour, mais ils ne le considèrent pas comme mécréant. Eh bien en fait, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves, on le dit clairement, parce que les preuves qu'ils apportent, comme par exemple sur le Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à qui lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela. Mais il pardonne en dehors de cela. Eh bien ici, d'une part, c'est un verset qui est général. C'est un verset qui est général. Et les versets qui concernent la prière, ils sont spécifiques. Ils sont spécifiques. Allah a bien dit que celui qui délaisse la prière, eh bien, il se retrouvera fi saqar ou bien fi ray, comme fasawfa yulqawna rayya dans sourate Maryam. Ils se retrouveront aussi à rayya. Saqar et rayya, ce sont des lieux en enfer qui sont très bas, où seuls les mécréants et les polythéistes y seront. Ok? Et les munafiqins y seront bien en dessous encore, parce que les munafiqins c'est dark al-asfal min al-nar. Donc, ça, c'est un verset qui est général. C'est un verset qui est général qu'on ne peut pas appliquer pour ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement que l'ahd li baynana as-salat, man tarakaha faqad kafar. Il a donné clairement que le pacte qui est entre nous, c'est la prière, celui qui la délaisse a mécru. Ça, c'est quelque chose de spécifique. Donc, on ne peut pas utiliser en fait un verset qui est général ou un hadith qui est général pour prouver le contraire que ce qu'un hadith donne explicitement. Vous voyez, lorsque le hadith dit clairement que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir, on ne peut pas utiliser un verset général. Soit il ramène un verset que c'est spécifique, il dit effectivement que non. Mais il n'y a aucun hadith sahih. J'ai vérifié, les hadiths qui sont présents sur que celui qui délaisse la prière, il n'est pas considéré comme un kafir, ils sont tous soit inventés, soit très très faibles dans la chaîne de narration. Il n'y en a aucun qui soit authentique sur ça. Donc, ça c'est quelque chose qui est général. Comme dire par exemple que, il y a un hadith, je vais vous donner le sens, inshallah, c'est rapporté par Hudhayfa, radiallahu anhu, qui dit en fait que, il donne en fait ce qui va se passer à la fin des temps. Ce qui va se passer à la fin des temps, l'importance en fait que les gens à dire, que les gens ils auront à comprendre la ilaha illallah. Et un des compagnons lui a dit à Hudhayfa, parce que là c'est Hudhayfa qui parle, l'un des compagnons lui a dit, oui, mais la ilaha illallah ne leur sera pas bénéfique s'ils ne prient pas. Et il leur a répondu dans ce hadith-là, la ilaha illallah leur sera bénéfique, malgré cela. Mais ici, les gens, ils utilisent ce hadith, il faut comprendre le sens de ce hadith-là. Le hadith ici, ça concerne dans la fin des temps. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera le savoir. Ok? Vous entendrez, juste à la fin des temps, il n'y aura même pas, parce que taqoum as-sa'a ala shira'i al-khalq, c'est-à-dire qu'on n'entendra même pas Allah, Allah sur terre. Ok? Mais vers la fin des temps, les gens en fait, ils diront, j'ai entendu en fait des anciens, des ancêtres qui répétaient la ilaha illallah. Qui répétait la ilaha illallah, donc nous on le répète. Il n'y a aucun savoir ici. Parce que le savoir sera enlevé. Le savoir sera enlevé. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'enlève pas le savoir du cœur des gens, mais il l'enlève en en faisant mourir les savants, en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de savants sur terre, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de quelqu'un qui a un savoir, et puis les gens y prendront des têtes de l'ignorance qui égareront, et ils seront égarés. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas utiliser là. Une personne qui a un savoir, qui a Internet, qui a les moyens de communiquer avec des gens de science, elle n'a pas d'excuse pour dire qu'elle ne peut pas savoir où est le savoir, où est la preuve pour cela. Subhanallah, il y a même des sites sur Internet, parce que tu vois, c'est des questions-réponses, parce que tu peux même te poser des questions, et les ulémas, parce que ce sont les étudiants des tullab al-ilm, en fait, des savants, qui prennent ces questions-là, ils les rapportent aux savants. Et ils les répondent et ils les remettent sur le site. Donc il n'y a plus d'excuses pour le savoir. Donc ça, c'est un autre point qui était important. On avait vu aussi sur le Salat al-Asr. Et le point, Inch'Allah, que je voulais aborder, en ce qui concerne maintenant une personne qui renie la prière, qui est obligatoire, elle va renier en fait le fait que c'est obligatoire. Mais elle prie 5 fois par jour. Cette personne-là prie 5 fois par jour, mais elle considère que la prière n'est pas obligatoire. Elle fait, elle croit que c'est bien. Cette personne-là est une personne qui est kafra, une mécréante qui est exclue de l'islam. Parce qu'elle a renié l'obligation de la prière. Ça, c'est un consensus total des ulémas. Celui qui renie l'obligation de la prière est mécréant. Même si elle prie 5 fois par jour, même si elle prie à la mosquée 5 fois par jour, mais elle croit au fond d'elle que ce n'est pas obligatoire, c'est une mécréante. Et donc, la personne qui refuse de prier, mais qui dit, non, je suis sûr que c'est obligatoire, je suis sûr que c'est obligatoire, celle-là, eh bien, elle est quand même mécréante. Pourquoi? Parce que la preuve lui est arrivée. Le point qu'il faut souligner ici, c'est que si une personne n'a pas de savoir, elle prie 5 fois par jour, mais elle croit que la prière n'est pas obligatoire, parce qu'elle est ignorante, elle ne sait pas. Elle n'est pas considérée comme mécréante, elle. Elle est considérée comme mécréante seulement si la preuve lui est venue, quelqu'un lui a expliqué, et malgré cela, elle dit, non, quand même, je ne crois pas que c'est obligatoire. Donc celle-là, elle est mécréante. Et on avait dit aussi, c'est que si la personne... Donc si la personne ne prie pas, si la personne ne prie pas, mais elle dit la prière est obligatoire, elle ne prie pas, c'est 5 prières par jour. Elle ne prie pas 5 prières par jour, mais elle dit je suis convaincu que la prière est obligatoire. Celle-là, elle n'est pas musulmane. Parce que la foi, comme les ulama ils ont dit, c'est haqiqa murakkaba. C'est une... L'iman, huwa haqiqa murakkaba. C'était une vérité qui est... Barakallahu fik, composé, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme les Lego, tu les mets, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la foi. C'est quoi? C'est en fait une parole avec la langue, une conviction dans le cœur et action. L'action, ça concerne aussi l'action du cœur. Okay? L'action du cœur, il y a la niyya, ok, et la sincérité. Et le deuxième point, c'est que dans le cœur, il y a aussi la conviction, la croyance. Et il y a l'action du mouvement du corps et il y a le fait de le dire. Parce que celui, comme on avait vu dans Sifat al-Munafiqin, celui qui a la conviction d'une vérité mais refuse de la dire, eh bien, ça s'appelle kufr ibah wa i'rad ma'a tasdiq. Ibah wa istikbar, pardon, ma'a tasdiq. C'est en fait que la personne... Elle sait que tu as raison, elle sait que c'est la vérité. Femni, voilà. Mais elle refuse de te suivre, ou elle refuse de faire ce truc-là, en étant arrogante. Ça, c'est un type de mécréance qui exclut l'islam. Donc si la personne sait une vérité, mais refuse d'agir dessus, elle s'apparente au... À qui elle s'apparente? Elle sait la vérité, mais elle refuse d'agir dessus, elle s'apparente aux juifs. Au kofar, oui. Parce que les juifs, ils connaissent la vérité. Mais il refuse de la suivre. Eh bien, ça, c'est sifat les juifs. Mais celui qui veut agir sans science, il s'apparente aux chrétiens parce qu'ils n'ont pas de savoir et ils veulent inventer dans la religion, en fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça que Savoir la vérité mais ne pas l'appliquer, eh bien, ça ne fait pas de toi un musulman. Même si tu dis, je suis convaincu que l'islam, c'est la vraie religion. Je suis convaincu que prier 5 fois par jour, c'est obligatoire. Si la personne ne prie pas 5 fois par jour, si elle délaisse ses prières, ou si elle n'a pas l'intention du tout de la prier. Comme on avait vu hier, une parole très intéressante de l'imam Al-Qayyim, rahimahullah, فَكُلْ مُسْتَخِفْ بِالصَّلَاةِ مُسْتَهِنْ بِهَا فَهُوَ مُسْتَخِفْ بِالْإِسْلَامِ مُسْتَهِنْ بِهِ. Tous ceux qui prennent à la légère la prière, prend en fait à la légère l'islam. Tous ceux qui prennent à la légère la prière, prend en fait à la légère l'islam. وَإِنَّمَا حَظَّهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ عَلَى قَدْرِ حَظَّهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ. Et leur portion d'islam qu'ils ont, c'est en accord avec la portion de salat qu'ils ont. Donc une personne qui n'a pas de salat n'a pas d'islam. Okay? Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit et on le répète, c'est ce qui va différencier entre le musulman et le mécréant. Okay? Une personne maintenant qui vivait, yani, en tant que, maintenant on va parler parce qu'on est arabe, yani, je veux dire ceux qui vivent, parce que c'est souvent comme ça, c'est qu'ils croient parce qu'ils sont nés arabes, donc automatiquement ils sont musulmans. Ça c'est faux. Il n'y a que 20% d'arabes qui sont musulmans dans le monde. Okay? Il n'y a que 20% d'arabes qui sont musulmans. Il y a aussi des arabes qui sont juifs, des arabes qui sont chrétiens. Tu vois? Donc il ne faut pas l'oublier ça. Donc, qu'est-ce qui va te différencier dans ça? C'est ça. Comme on disait hier, si on a des mécréants et si on a la personne qui se dit musulmane, qu'est-ce qui te différencie d'eux? Elle s'est soumise à Allah. Et toi, est-ce que tu t'es soumis à Allah, oui ou non? Ben non, elle refuse de prier. Donc, il n'y a rien qui te différencie. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai demandé? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à Iblis, l'anatullahi ali, hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné de se prosterner. Eh bien, on lui pose la même question. Iblis, le shaitan, Satan, croit en Allah. Croit en Allah, il a même juré par Allah, il a dit, bi'izzatika. Ok? Il voulait un délai jusqu'au jour du jugement. Eh bien, la personne, elle croit, que je parlais avec un frère dès que j'étais en Écosse, il ne priait pas, on parlait, tout ça et tout ça. Je lui dis, tu crois en Allah? Il m'a dit oui. Eh bien, je lui ai dit, eh bien, Satan, Shaitan, il croit en Allah. Tu crois aux anges? Il m'a dit oui. Eh bien, le Shaitan aussi croit aux anges. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché au cercle des anges, tellement qu'il était pieux avant de devenir arrogant. Tu crois à tous les prophètes et messagers envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala? Il a dit oui, et bien je lui ai dit, ben Shaitan aussi, il croit à tous les prophètes et messagers, et il a essayé d'être leur ennemi. Tu crois à tous les livres révélés par Allah, subhanahu wa ta'ala? Il dit oui, et bien Shaitan, c'est la même chose. Tu crois au destin bon ou mauvais, mais qui provient d'Allah? Oui, et bien le Shaitan lui-même, il croit, parce qu'il sait ce qui l'attend. T'as amené? Dans sa destinée, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que tous ceux qui le suivront, ils les mettront avec lui en enfer. Tu crois au jour de la résurrection? Il dit oui. Eh bien le shaitan aussi croit au jour de la résurrection. Subhanallah. Parce qu'il a demandé un délai à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour de la résurrection. Il y croit. Maintenant la question, qu'est-ce qui te différencie de toi et du shaitan? Si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas. Et ça aussi, il faut qu'on enlève aussi des mauvaises traditions. Lorsque par exemple dans une maison il y a une sajed, un tapis qui est comme ça, je me souviens c'était un Bangladesh qui avait fait ça et il se met à la faire comme ça. Ils disent non parce que Shaitan il va prier. Subhanallah, ils l'ont pris d'où ce truc là? Shaitan il a refusé de se prosterner lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé et il n'est pas en train de prier, tu vois. Donc le truc c'est quoi? C'est que ça, faut pas s'en tenir à ce truc là, c'est des histoires, un peu à dormir debout ça. Donc le truc c'est quoi? C'est qu'est-ce qui te différencie de toi et de Shaitan si tu ne pries pas? Si tu jeûnes tout le mois du Ramadan et tu ne pries pas, c'est comme si tu attachais un mulet à un poteau et tu ne lui donnais pas à manger. Il va jeûner comme toi. Il n'y a pas de différence. Tu jeûnes, pourquoi? C'est quoi tu jeûnes? Il y en a qui sont comme ça, ils disent, attends, quelle heure? C'est à 32, attends, il est 31, je peux plus. Famille, 32, tac, et puis vas-y, il boit de l'eau, il mange comme un malade, et ça, tac. Et puis... Allah, il veut pas de ça de toi. Subhanallah. Allah, il veut pas ça de toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Vous gagnerez la piété, la taqwa. La taqwa, en faisant ça, normalement, ça doit te corriger. Ça doit t'aider à être patient, le fait que tu jeûnes. Tu jeûnes pas pour manger une table remplie le soir. Tu vois? Tu jeûnes pas pour ça. Toi, tu jeûnes parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a ordonné et c'est pour un bien pour toi. Comme ça, tu vas corriger ta relation avec Allah. Tu vas être plus serein, plus calme, plus patient avec les gens. Et si ça, c'est fait correctement, comme on disait, à chaque fois qu'un acte d'adoration est fait correctement, que tu le fais sincèrement pour Allah, ce sont les relations avec qui sont les gens autour de toi qui vont se corriger. Tu vas avoir un meilleur comportement avec les gens. Subhanallah. Parce que tu es conscient que tu devras rendre des comptes le jour du jugement dernier. Tu es conscient que chaque chose que tu fais bien, c'est pour toi. C'est pas pour Allah. Allah, il n'a pas besoin de tes actes d'adoration. Il n'a pas besoin que tu... Il a besoin de rien de toi. Tout ce que tu fais de bien, sincèrement pour Allah, c'est pour toi. C'est ce qui te bénéficiera dans ta tombe après la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour avoir les actions qui sont acceptées, on avait dit quelles sont les conditions d'acceptation en islam, quelles sont les conditions d'acceptation des actes. Premièrement, être musulman. Deuxièmement, sincère pour Allah. Troisièmement, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a un des points qui manque, l'action n'est pas acceptée. Donc si la personne est jeûne tout le mois de Ramadan, ok, tout le mois de Ramadan elle jeûne, mais elle ne prie pas, ça ne lui sert à rien. On lui dit mange, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui te diffère de toi et des non-musulmans. C'est ça le point. C'est ça. Donc si une personne maintenant, et on va terminer avec ça, inchallah. Si une personne maintenant ne prie pas 5 fois par jour, la preuve lui est parvenue. La preuve lui est parvenue. C'est-à-dire qu'une personne, parce que c'est pour ça que j'insistais sur ces points-là, ok, tu n'as pas le droit de dire que quelqu'un il est mécréant, à moins que les conditions sont réunies. Okay? C'est-à-dire qu'on doit voir qu'est-ce qui peut empêcher la personne de ne pas agir. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Peut-être qu'elle est malade mentale. Donc on ne va pas l'accuser de mécréant. Peut-être qu'elle est encore, elle n'a pas encore atteint la puberté. Comme le prophète, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la plume a été levée au-dessus de 3. L'enfant jusqu'à qu'il devienne pubère, qu'il atteint la puberté. La personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et celui qui a perdu la raison jusqu'à ce que la raison lui revienne. Ok. Dans ces cas-là, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire si une personne elle dort pendant l'heure de la prière, et l'heure de la prière est passée, c'est-à-dire que disons le Asr est passé, mais elle dormait cette personne-là. Et bien lorsqu'elle se réveille, elle fait sa prière. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Tu vois, si une personne elle dort, à peine qu'elle se réveille, même si une personne elle a oublié, elle a l'intention de prier les 5 prières, mais elle a oublié, subhanallah, tu ne peux pas savoir parfois dans la vie ce qu'il peut y avoir, c'est, elle pense à la défense, et elle a oublié la prière, à peine qu'elle s'en souvient, elle a pris, mais elle ne la délaisse pas, ou si elle s'en souvient, elle la délaisse, ou bien elle se lève et puis elle attend 3 heures avant de prier, non, tu vois, donc il y a des conditions très précises, on ne taxe pas de mécréant n'importe qui comme ça, tu vois, il y a une personne par exemple, elle ne connaît rien de l'islam, tu ne vas pas dire que c'est une mécréante, tu comprends? Il faut s'asseoir tranquillement, parler avec hikma, avec sagesse, lui faire des rappels, essayer de, tu vois ce que je veux dire, essayer de lui faire rapprocher petit à petit de la religion, petit à petit, tu vas venir, petit à petit. Mais tu ne taxes pas de mécréant, non. La personne qui est mécréante, c'est qui? C'est que après que toutes les preuves lui soient parvenues, elle a toute sa raison, elle a tout compris, tu vas venir. Et malgré cela, elle refuse de prier lorsqu'elle est invitée à la prière, eh bien elle devient mécréante. Donc si une personne elle est mécréante, ça touche dans l'héritage. Ça veut dire que si le père par exemple est musulman, il prie ses prières, et un de ses enfants, il ne prie pas, eh bien cet enfant-là n'a pas le droit d'hériter du père. Parce que le mécréant, il n'hérite pas du musulman, et le musulman n'hérite pas du mécréant. C'est dans les deux sens. Okay? Si la personne meurt dans cet état, elle ne priait pas ses 5 prières, et la preuve lui est parvenue, c'est-à-dire qu'elle a compris, Yanni. On ne parle pas d'une personne qui était ignorante. Okay? On parle d'une personne que la preuve lui est parvenue, que les 5 prières c'était obligatoire, elle a vu les dangers c'était quoi, celui qui ne priait pas. Mais malgré cela, elle ne priait pas. Lorsqu'elle est morte, on n'a pas le droit de le laver. il est interdit de le laver. On n'a pas le droit de prier sur lui. On ne lui fait pas la salat de genèse. On n'a pas le droit de l'enterrer avec les musulmans. On l'enterre avec les kuffars. Et c'est un non-musulman, voilà, quelqu'un, s'il a personne, eh bien, il l'enterre. Donc c'est ça. Donc c'est ça le danger. Un autre point, c'est quoi? C'est que si, par exemple, le père, il ne prie pas 5 fois par jour, s'il y a une de ses filles qui va se marier, ok, il lui est interdit d'être le tuteur de sa fille. Il lui est interdit d'être le tuteur Wali al-Amr. Ce n'est pas lui, parce qu'il ne prie pas. Donc il est, le Wali al-Amr, ça doit être un musulman. Celui qui prie 5 fois par jour. Donc c'est ça les conditions. Pourquoi une personne va se mettre dans des problèmes? Déjà, il y a des problèmes dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas, au moins la personne, elle a le temps de se repentir, de tout blâmer, et qu'elle revienne à la religion d'Allah. Une personne qui sait qu'elle va retourner vers la terre, qu'elle va mourir, qu'elle sera toute seule. Yani, si elle sait ça, elle est consciente de ça. Yani, elle sait que personne ne peut les bénéficier, il n'y a que ses propres actions. Que tu as fait, sincère pour Allah, ça tu vas le trouver, Inch'Allah. Mais si tu délaisses tout ça, tu auras perdu cette vie-là et l'au-delà. Tes enfants, ils ne peuvent pas hériter de toi, tu ne peux pas être le tuteur de tes enfants. Tu ne peux pas être Wali al-Amr de tes enfants. Parce que si une personne qui ne prie pas 5 fois par jour, ok, yani qui est le père de famille, disons un père de famille pour que ses enfants ils se marient. Il ne prie pas. Il n'a pas le droit d'être le tuteur de sa fille. S'il fait le tuteur de sa fille alors qu'il ne prie pas 5 fois par jour, l'acte n'est pas valide. Les ulama ils l'ont clairement expliqué. L'acte d'un ta'azawaj, il n'est pas valide. Il faut que ce soit un musulman. Wali al-Amr de la fille, ça doit être un musulman. Ok. Donc ça, ce sont des points. Un autre point, c'est que la personne qui ne prie pas 5 fois par jour, lui est interdit de tazbah, le mouton, de, comment ça s'appelle, d'immoler, d'égorger, avec le mouton. Parce que là aussi, ça doit être un musulman qui le fait. En disant Bismillah, Wallahu Akbar, et Yazbah. Mais quelqu'un qui ne prie pas 5 fois par jour, lorsque je dis quelqu'un qui ne prie pas 5 fois par jour, j'insiste encore, c'est quelqu'un que l'épreuve lui est venue. Ok, c'est pas un ignorant. On ne considère pas un ignorant comme un kafir. Ok, mais quelqu'un où est-ce qu'effectivement, il a reçu toutes les preuves, il les a compris, mais il refuse de prier malgré cela. Ok, là, eh bien, ça s'applique. C'est comme ça qu'il doit appliquer. Et lorsque cette personne-là meurt, il est interdit d'invoquer Allah pour elle. C'est-à-dire que si une personne elle veut invoquer Allah pour elle, pour une personne qui est morte, dans son sujoud, c'est interdit. C'est interdit. Parce qu'elle a refusé, elle a agi comme Iblis, comme le shaitan. Lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner, la preuve lui est venue, elle a refusé de se prosterner. Elle a refusé de se prosterner. Tout ça, ce sont... Il y a la main, ce que tu viens de dire, ils sont pas mis d'accord. Ouais. Quelqu'un qui ne prie pas ou là qui ne fait pas, ça c'est entre lui et le créateur. Cette position-là, c'est pour une personne qui est ignorante. Oui, mais arrange. C'est-à-dire que j'ai là. Une personne qui est j'ai là. Et qu'elle vivait en fait dans une famille où est-ce que, je sais pas, c'était des musulmans, tu vois ce que je veux dire? Mais elle ne savait pas. Personne ne lui a dit, personne ne lui a parlé. Yani, elle-même, elle n'a jamais, ignorante. Ça rentre dans cette condition-là. Mais ce qui ne rentre pas dans cette condition-là, si une personne le sait, elle connaît les preuves, et malgré ça, elle était arrogante, femme-née, malgré cela, elle est arrogante, eh bien, elle rentre dans ça. Et la position des ulama qui ont dit, elle refuse toujours. Voilà, tout le temps. S'il n'a pas refusé, non. Non, s'il n'a pas refusé, c'est différent. Yud'a ila salat. Yud'a ila salat. Ou il salli. Donc là, c'est différent, c'est musulman. On dit bien que c'est le tfoul ou le tofla, ok. Elle lit. Ça veut dire qu'elle a, quelqu'un lui a fait le rappel, il lui a montré, il lui a dit voilà, la prière, c'est la différence entre le musulman et le kafir. Si malgré cela elle refuse, malgré cela, eh bien, là, il n'y a pas le droit. C'est-à-dire que si le père, il est musulman, il n'a pas le droit de donner à quelqu'un qui refuse de prier. Qui refuse. Mais si, personne, par exemple, une personne ne prie pas parce qu'elle ne sait pas, on ne l'accuse pas de kefr. On ne l'accuse pas de kefr. Elle ne rentre pas dans ce... Combien de fois dans le Ramadan, vous avez prié? Tout ça, c'est basé sur l'ignorance. Voilà. Voilà, exactement. ذلك ربي دار لنا الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج اللي طيح منهم وحدة راه ما عنده والو شنو الحمد لله ما نسكن نقولوش درناهم دار درنا صلينا الله يسمح لينا وحنا كنا كنعرفوا بعض الخير كنا دونك سكي فو سافوار بارك الله فيك سعيد سي وي سا سي فوالا سي سو بوان لا سي تادير كو سي مثلا يعني effectivement on était dans مثلا dans les années je sais pas combien on connaissait rien فهمني. Et on faisait juste comme ça, on faisait le ramadan par culture. Voilà, parce qu'on a vu nos parents jeûner, donc on le faisait. Là, ce qu'il y a, là, c'est l'ignorance. C'est jahl. Donc ça ne rentre pas dans ça. Ça ne rentre pas en tant que kefir. Parce que là, c'est le jahl. Mais une personne, après qu'elle, mathalan, yani, elle s'assoit dans les majels sur ce qu'elle peut apprendre et peut connaître, malgré ça, elle a entendu, et malgré cela, elle s'obstine, elle refuse. Si elle est invitée à la prière et elle prie, alhamdoulilah, elle est musulmane. Mais si elle est invitée à la prière, elle refuse, malgré que la personne lui a dit, Rawat Salat, tu vois, c'est l'ahd li baynana salat man taraka faqad kafar. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le truc c'est quoi? C'est que si elle refuse et reste à faire ça, refuser, eh bien, elle tombe dans la mécréance. C'est pour ça. Donc, voilà, exactement, exactement. Maintenant aujourd'hui, ce qu'il y a, aujourd'hui on voit que il y a des jeunes, je voyais dans le Mahat al-Maghrib, une quinzaine de jeunes ils sont dehors en train de jouer au football fi Salat al-Maghrib. Subhanallah, ils sont dehors comme ça. Je ne vais pas dire que ceux-là ils ont reçu le savoir. Et le truc c'est quoi? C'est que, donc il faut en fait qu'ils reçoivent ce ilm-là. Peut-être que Allahu a'lam, ils vont comprendre ça et puis après ils vont se mettre à prier, tu vois. Donc on ne juge pas sur les gens comme ça. La personne qui a reçu le ilm, c'est ça que j'insiste, mais qui refuse et qui s'obstine, là ça y est c'est différent. Qui refuse et qui s'obstine, c'est différent. Même si elle sait que tu as raison. Parce que ça on avait vu que c'est kufr, istikbar wa ibam ma tasdiq. C'est la mécréance, c'est un type de mécréance qui s'appelle la personne qui refuse tout en étant arrogante, mais elle sait que tu as raison. Elle sait que tu as raison, elle sait que c'est obligatoire, mais elle va refuser. Il y a même une personne, bon c'est pas une personne musulmane, celle-là c'est, je le dis directement, mais elle m'a dit je pourrais pas moi poser mon front sur le sol. Tu vois, subhanallah. Kibr. Tu vois, ça c'est le kibr. Voilà, ça c'est le kibr. Cette personne-là, elle m'a dit. Donc je parlais avec elle, c'est pas une personne musulmane celle-là du tout, tu vois, elle a ni, ni de culture, ni rien du tout. Je parlais avec cette personne-là, parce que je savais que cette personne-là, elle se disait, il dit qu'il est athée et tout ça, et je le voyais, il éduque aussi ses enfants à être athée aussi, pareil. Et puis il prétend en fait dire que ils grandissent avec ce qu'ils veulent ou quoi le chien. Non, alors que lui-même, il les force à être athée. Donc j'ai parlé avec lui, on a parlé de ça. Lui dire que l'islam c'est la soumission à Allah, ah je peux pas me soumettre moi à personne. Et puis le fait de poser la tête sur le sol, moi je pourrais le faire pour personne, je me mets à genoux devant personne ou quoi que ce soit. C'est le kibr, c'est l'arrogance. Mais lorsque je lui ai dit, Allah, le Très-Haut t'a créé d'une goutte de sperme et aujourd'hui tu es arrogant. Il est resté silencieux un moment. Il a dit, après il a commencé à changer un peu sa parole, il a dit, oui en fait, c'est vrai qu'en fait dès qu'on se prosterne un peu, eh bien on essaie de se remettre un peu à la place, à notre place, tu vois. C'est-à-dire que voilà, on s'humilie voilà, devant celui qui nous a créé, tout ça. Mais une personne qui va te dire ça directement, je ne veux pas me prosterner pour celui qui. Ou une personne qui va te dire, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, je suis là. Pourquoi en fait la personne ne voit pas l'intérêt? C'est comme je vous disais, dès que j'avais une discussion avec des frères en Tunisie. Je parlais avec un frère, Je l'encourageais, yani tu l'encourages. Tu lui fais des rappels sur des bons trucs. Regarde, si tu pries, ça, fais-le. Et un autre frère, il vient, il dit, ouais, mais non, de toute façon, même s'il ne prie pas, c'est pas grave. Subhanallah. Je lui dis, tu l'as pris d'où ça, même s'il ne prie pas, c'est pas grave. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est dans une situation que, si tu... C'est pour ça qu'avec ce que disaient les gens, ils vont dire, ah ben non, il y a Irtilef. Ou bien les gens, ils vont dire, ah ben non, un tel, il dit, ah ben non, un tel, il dit, c'est un mécréant, l'autre, il va dire, non, c'en est pas un. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils ont refusé de retourner au livre d'Allah et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chouf. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit clairement, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous différez sur quoi que ce soit, retournez-le à Allah, comme Ibn Abbas a dit dans son tafsir, retournez-le à Allah, ça veut dire au livre d'Allah, et au messager, ça veut dire à la sunna du messager, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Eh bien, toutes les preuves prouvent clairement. Et comme je vous dis, ce travail il est basé sur les ulama. Okay? C'est pas quelqu'un qui ramène ça à sa tête. Clairement, ce qu'ont dit les quatre imams. Les quatre imams, ils ont dit ça. Même ceux qui veulent dire que l'imam Malik, il n'a pas dit ça, ça c'est faux. Parce que l'imam Malik, rahimahullah, il avait la position au début que... La première position, c'était quoi? C'était, il disait que celui qui le prépare, c'est un fasiq. C'est un pervers. Ensuite, il est revenu sur sa position. Et il a dit, non, et bien en fait, il doit être exécuté s'il refuse de prier. Donc, la parole des quatre imams, aucun d'entre eux n'a dit que c'était pas un kafir. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a clairement dit que celui qui délaisse la prière, eh bien, c'est un kafir. Les sahaba étaient présents. Et lorsque Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a dit, pas de portion d'islam pour celui qui délaisse la prière, les sahaba, ils ont gardé le silence. Et les ulama, ils ont dit que ça prouve qu'ils n'ont pas réfuté Omar ibn Khattab, ils ont accepté ce que Omar ibn Khattab a dit. C'est pour ça que les ulama ont dit que même si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont dire que Tarek Saleh, ce n'est pas un mécréant, eh bien on ne prend pas en considération cette parole-là parce qu'il y a déjà le consensus des sahaba qui est suffisant pour nous. Tu vois? Il y a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la parole des quatre imams. Donc tout ça prouve que Tarek Saleh, muta'ammidan, c'est-à-dire que délibérément, ok, et il sait, et délibérément, eh bien ça fait de cette personne-là une mécréance. Elle n'est plus musulmane. Non? Oui, voilà. Voilà. Mais non, barakallahu fik, ça, je l'ai entendu, ça. C'était, yani, là-bas, à la grande mosquée centrale des Imbourg. Ils ont ramené quelqu'un, il a parlé. Une convertie écossaise, elle a posé la question sur les crédits. Est-ce que c'est permis les crédits? Et celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, eh bien, certains ulémas, ils ont dit que certains ulémas ont dit que c'était haram, d'autres ont dit que les lois ne s'appliquaient pas dans les pays non musulmans. Et il a dit, et puis certains ont dit, eh bien, en cas de nécessité. Ok? Le cas de nécessité, on va commencer par ce cas-là, le cas de nécessité par exemple, eh bien c'est dans des conditions extrêmes. Et lorsqu'une personne est dans des conditions extrêmes, la question qui était posée au ulama, c'est que est-ce que la personne elle peut prendre un crédit parce que son père il allait rentrer en prison pour rembourser les dettes. Il a essayé de voir partout, il n'arrivait pas à rembourser ses dettes, sinon ils vont le jeter en prison. Ils ont dit, les ulama ils ont répondu en disant, eh bien, il essaie de faire son mieux pour essayer de trouver si vraiment il ne peut pas, si vraiment il ne trouve rien. Et bien dans ces conditions-là, il lui serait autorisé de faire un crédit pour seulement pour ces dettes-là, pas pour remettre de l'argent aussi de côté. Seulement pour rembourser ces dettes-là, et il doit le détester de son cœur. Ok? Donc, ça c'est la condition extrême. Maintenant, lorsque lui il a dit ça, je lui ai dit subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a rendu haram le riba, l'intérêt. Riba, c'est haram. C'est haram. Le plus bas niveau, c'est quoi? C'est comme si qu'un homme, lorsqu'il prend du riba, le riba, c'est quoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit l'a'an, celui qui le prend et celui qui se fait payer. Et les témoins qui assistent au contrat, et celui qui écrit le contrat. Il y a toute une catégorie de personnes qui reçoivent la l'a'an du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mal'ounine, tu vois? Donc le truc, c'est quoi? C'est que le plus bas niveau, c'est qu'une personne, elle est, a'oudou billah, elle fait 33 fornications. Il y a une trentaine de fornications comme ça. Ça veut dire du haram, mais et avec sa mère, a'oudou billah. C'est le plus bas niveau. Et sinon, c'est quoi? Sinon, c'est une guerre contre Allah et son messager. Je lui ai dit, comment que tu peux dire ça lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'interdit. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une parole de savant qui oppose le Coran et la Sunna? Oui ou non? Il a refusé de me répondre. Il a refusé de me répondre. Je suis resté à lui dire pendant 10 minutes. Je lui ai dit, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit? Il a refusé. Il a refusé, il est parti, il ne voulait pas me répondre. Je lui ai dit, subhanallah. Parce que s'il me dit, non, on n'a pas le droit, donc, ça veut dire que c'est faux ce qu'il disait. Et s'il me dit, oui, on a le droit, eh bien, c'est un menteur. Tu vois, subhanallah. Donc, ça c'était pour le sujet, on va terminer avec ça, inshallah, sur le sujet du le jugement de celui qui délaisse la prière. C'est très dangereux, Yahri. C'est pour ça que, je fais pour rappel, si par exemple, il y en a qui connaissent, ou est-ce que, maintenant, leur père, il prie pas, ok? Wallah al-Azim, ils doivent faire leur possible, passer plus de temps avec leur père que le passer avec leurs amis. Parce que, imagine que ton père il meurt, tu ne peux pas le laver, tu ne peux pas prier sur lui, tu ne peux pas invoquer Allah pour lui. Tu vois? Une personne doit penser à ça, faire son possible pour faire le rappel de son père, être plus proche de son père, afin que, même si elle meurt, ben, alhamdoulilah, elle pourra toute sa vie, pendant toute sa vie, dans ses sujouds, ou bien lorsqu'elle fait des doigts, invoquer Allah pour lui. Et en ce qui concerne les frères et sœurs, c'est la même chose. Tu fais ton possible, famille, tu essaies de faire le rappel, bon après t'en as, tu sais, ils refusent ou quoi le chai. Tu essaies de patienter, cette vie-là c'est un tête. Tu essaies à chaque fois, tu vois. Et puis tu demandes à Allah de les guider. Oui, mais la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, elle a des conditions. C'est-à-dire que moi, comme on disait avec l'histoire de la clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Et comme il y a aussi un hadith qui est sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Maftahul Jannah as-salat. La clé du paradis, c'est la prière. Donc, si une personne n'a pas cette clé-là, tu rentres pas. Voilà. Le truc, c'est quoi? C'est qu'une personne qui dit la ilaha illallah, mais qui refuse de prier, elle ne lui sert à rien, la ilaha illallah. Le truc c'est quoi? C'est que chouf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, j'ai été ordonné de combattre les gens, okay, jusqu'à ce qu'ils témoignent que nulle divinité ne mérite l'adoration en vérité excepté Allah, et que Muhammad c'est le prophète et messager d'Allah, et qu'ils font la salat et qu'ils donnent la zakat. S'ils font cela, ils auront fait que leur bien et leur sang deviennent haram pour moi à les toucher, seulement par le droit de l'islam. Et la salat et la zakat sont des droits de l'islam. Donc même si maintenant il y a un alim aujourd'hui qui va dire on respecte les ulama, c'est des savants, tu vois, parce que les ulama ou rafel anbiya, ce sont les héritiers des prophètes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un savant n'est pas immunisé contre l'erreur. Le seul qui est immunisé contre l'erreur dans la révélation, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. La question, c'est... Donc c'est écrit halal, pas halal, si le mari ne prie pas alors. Donc... Et là aussi, c'est là, Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah, dans Risala Hukm Tarak al-Salat, qu'est-ce qu'il a écrit sur ça, dans ses fatawis, dans ses fatwas qu'il a donné. Si la personne est musulmane, la femme elle est musulmane, elle prie 5 fois par jour, et le mari ne prie pas, il lui est interdit, de continuer avec lui, c'est-à-dire qu'elle a le droit, dans cette condition, de demander le divorce. Le truc c'est quoi? C'est que le mari, elle doit encourager son mari à prier et lui montrer le danger de ça. Mais s'il persiste et s'il refuse, il lui est interdit de se marier avec et de rester marié à un mécréant. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Pourquoi l'imam ne pose pas la question alors avant de marier les gens? Ben ça, c'est la responsabilité de l'imam. Ça, c'est la responsabilité de l'imam, de savoir que le wali al-amr, le tuteur, est quelqu'un qui est musulman et qui prie ses prières 5 fois par jour. L'imam doit savoir ça. Il doit savoir les conditions des gens, parce que s'il marie des musulmans, c'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, et donc la personne, elle doit avoir un savoir sur ça. Elle doit avoir un savoir sur la personne, si elle est musulmane, si elle fait 5 prières. Yani, par exemple, il y en a, ils vont se convertir à l'islam, et comme il y avait un frère, il m'avait dit, un jour après, il est parti se marier. Donc il s'est converti un jour après, il est parti se marier. Et le frère m'avait dit, moi je n'accorderai pas ce mariage. Eh bien moi je suis de la même opinion, c'est qu'effectivement je n'accorderai pas un mariage d'une personne qui se convertit à l'islam et le lendemain, elle s'est mariée. Subhanallah. Le truc c'est quoi? C'est que on doit connaître la personne. C'est-à-dire que s'il s'est converti à l'islam, juste sa nia, son intention c'était parce qu'il voulait se marier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama al-a'mal bin niyyat wa li kulli imri'in ma nawa. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc les actes ne valent que par leur intention. Les actes ne valent que par leur intention. Si celui qui a fait la migration, parce que lorsqu'ils ont reçu l'autorisation de migrer vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ceux qui ont eu l'intention de migrer en laissant juste parce qu'ils voulaient se soumettre à Allah et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils auront la récompense de ça. Mais celui qui voulait, parce qu'en fait il y en avait un, il voulait se marier avec une femme qui était à Médine, il voulait la retrouver à Médine. Eh bien celui qui a sa migration, sa intention c'est ça, eh bien il n'aura pas la récompense de cette migration-là. Donc si une personne, normalement si elle se convertit à l'islam, c'est parce qu'elle a compris, elle a connu la vérité, et donc elle sait que ça c'est la vérité, donc elle s'est soumise à l'islam. Et alhamdoulilah, par la suite elle se marie avec une musulmane, il n'y a pas de problème. Mais le mieux c'est quoi? C'est que si une personne se convertit à l'islam, eh bien, on lui laisse un peu de temps. On lui laisse un peu de temps, on lui apprend la prière, on lui apprend. On essaie de l'accompagner. Et si on voit la personne, en fait, parce qu'il y en a, ils se convertissent à l'islam, et ça y est, il y en a plus, on ne les voit plus du tout, juste parce qu'ils voulaient avoir juste le ticket pour se marier. Eh bien, le truc, c'est quoi? C'est que tu mets en danger après toute une famille qui se formera. C'est pour ça, c'est la responsabilité de l'imam. Ok? والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير.